إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions évoqué précédemment les circonstances dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation. Lorsqu'il se trouvait dans la caverne ou dans la grotte de l'Hira, l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam vint subitement à lui et lui révéla les cinq premiers versets de sourate Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna chez Khadija, effrayé par une chose qu'il n'avait jamais connue auparavant, une chose nouvelle pour lui, puis il demanda de le couvrir et raconta à Khadija ce qui lui était arrivé. Khadija, comme pour le rassurer, lui cita et lui rappela ses nobles qualités en lui rappelant qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne pourrait en aucun cas avilir un homme avec de telles qualités. Puis tous deux allèrent voir le cousin de Khadija, Waraqat ibn Nawfal, un homme âgé, versé dans les sciences et les écritures saintes, qui reconnut dans cela la présence et la venue de Jibril alayhi salat wa salam. Il informa le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que son peuple le bannira, l'expulsera, le prendra comme un ennemi, et cela étonna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Waraqat ibn Nawfal lui dise: il n'y a pas un homme qui est venu par ce par quoi tu es venu, c'est-à-dire la révélation, sans que son peuple ne le prenne en ennemi. Après que le messager sallallahu alayhi wa sallam ait reçu la toute première révélation, la révélation s'interrompit une période. C'est ce qu'on appelle en arabe inqita'ul wahy, inqita'ul wahy, ou bien dans certains hadiths fatratul wahy, interruption de la révélation. Pour que vous puissiez comprendre, Inch'Allah tabarak wa ta'ala, la divergence qu'il y a chez les savants quant à la durée de cette interruption, il est à noter que la révélation, en réalité, s'interrompit à deux reprises distinctes, à deux moments différents, espacés dans le temps. La première, juste après la première révélation descendue sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la seconde, un peu plus tard, alors que le prophète déjà avait reçu près de 10 sourates complètes. Cette deuxième interruption de révélation ne dura que 2 à 3 nuits et se termina par la révélation de la sourate Ad-Duha wa Sharh. Wa Ad-Duha wa Al-Layli Ida Saja Ma Wadda'aka Rabbuka wa Ma Qala, jusqu'à la fin de la sourate, puis la sourate qui suit Alam Nashrah Laka Sadrak. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette deuxième interruption, ne reçut pas la révélation, les mauvaises langues dirent: si cela, en parlant de la révélation, provenait d'Allah, la révélation serait continue. Mais là, Allah le délaissa, ou bien Allah le détesta. Ceux qui avaient pris le prophète Mohammed alayhi wa sallam comme ennemi, qui n'avait pas accepté son statut de prophète et messager, qui était réfractaire à son message, propageait ce genre de paroles en disant: si ce message dont il prétend qu'il vient d'Allah, si vraiment il venait d'Allah, alors Allah n'aurait pas permis que l'interruption soit de 2 à 3 nuits. Mais cela est une preuve qu'Allah le déteste et l'a délaissé. La sourate Ad-Duha fut révélée en réponse à ces allégations, puisque Allah dit tabaraka wa ta'ala dans cette sourate: Wad-Duha وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, par l'éclat du jour et par la nuit lorsqu'elle s'étend, ça veut dire aussi par la nuit lorsqu'elle se tranquillise, lorsqu'elle se calme. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Donc ce verset-là, en le replaçant dans son contexte, prend tout son sens. Il vient en fait répondre à ces allégations de ces gens-là qui essayaient de discréditer le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sa qualité de messager. Rapportant à cet effet le hadith en question, l'imam al-Bukhari rapporte sous le numéro 4667. D'après Jundub ibn Sufyan, radiallahu anhu, « Qala, ishtaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, falam yakum laylatayni au thalatha, faja'at imra'atun faqalat ya Muhammad, inni la arju an yakuna shaytanuka qad tarakak, lam arahu qarabuka au qarabaka mundhu laylatayni au thalatha, faanzalallahu azza wa jal, wa dhuha wal layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. » D'après Jundub ibn Sufyan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, était tombé malade. Il resta 2 à 3 jours sans se lever. Ou plutôt, il resta 2 à 3 nuits sans se lever. Une femme vint alors le trouver et lui dit « Oh Mohammed, j'espère que ton démon t'a abandonné. Car depuis 2 ou 3 nuits, je ne l'ai pas vu t'approcher. » Allah révéla alors ses versets. « Par l'éclat du jour et par la nuit, lorsqu'elle s'étend ou se tranquillise, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni délaissé. » Ou plutôt, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté, comme le souligne Ibn Abbas, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Donc cette sourate est venue rassurer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et confirmer le soutien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui porte. Durant cette interruption, le prophète fut attristé, lui qui était avide de la visite de Jibril, alayhi salatu wa sallam. D'ailleurs, Ibn Ishaq, le fameux historien qui compila une des plus grande biographie du prophète, une biographie de référence, a dit « Puis la révélation s'interrompit sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que cela lui soit difficile. » Jibril alayhi sallallahu alayhi wa sallam se présenta alors à lui avec la sourate Ad-Dhuha. Voilà la deuxième interruption, celle qui a lieu quelques années après le début de la première révélation. Mais revenons à la première interruption de la révélation, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Elle est survenue après la première révélation et elle se termina par la révélation des premiers versets de sourate Al-Muddathir. À cet effet, il est important de revenir dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari, dans le chapitre du début de la révélation. C'est le premier chapitre du Sahih de l'imam Al-Bukhari. C'est le hadith numéro 4. Où Jabir ibn Abdullah Al-Ansari a dit, قال وهو يحدث عن فترة الوحي. فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى Jabir ibn Abdullah rapporte ce qui suit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Puis la révélation cessa de me venir pendant un certain temps. » Donc on constate ici que cette interruption, le prophète lui-même en a parlé sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même l'a évoqué. Car elle fut difficile pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète de continuer et de dire « Tandis que je marchais, j'entendis une voix qui venait du ciel. Levant alors les yeux, j'aperçus l'ange qui était venu me trouver à Hira. Il était assis sur une chaire entre le ciel et la terre. Effrayé à cette vue, je rentrai chez moi en criant « Enveloppez-moi, enveloppez-moi » c'est-à-dire dans mes vêtements. Alors Allah tabaraka wa ta'ala me révéla ces versets « Ô toi l'enveloppé d'un vêtement, lève-toi et avertis » jusqu'à sa parole et de toute souillure, écarte-toi. Après cela, la révélation reprit avec ardeur et continua sans interruption. Fin du hadith. Combien de temps dura cette interruption qui pesa sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'attrista? Les savants divergent sur l'ampleur et la longueur de cette interruption. Certains savants évoquent 3 ans, d'autres 2 ans, d'autres 40 jours. D'autres une dizaine de jours. Pour que vous compreniez cela, barakallahu fikoum, c'est comme si on disait que entre le moment où le prophète reçut la révélation Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq et La parole d'Allah, Ya ayyuha al-muddathir, il y a eu 3 ans qui se sont écoulés sans aucune révélation, ou bien 2 ans pour d'autres savants, ou bien 40 jours, ou bien une dizaine de jours seulement. Pour quelle raison les savants divergent? Les savants divergent en réalité pour la raison que j'ai évoquée au début de mon intervention. Car en réalité, il n'y avait pas qu'une seule interruption, mais bien deux. Et donc, il y a eu une confusion chez certains savants qui ont pensé que la deuxième interruption, qui elle aussi est évoquée dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, faisait suite à la première révélation. Alors que le Hafid ibn Hajar, qui a expliqué le Sahih al-Bukhari, nous dit que ce sont bien deux interruptions distinctes, dans deux circonstances différentes, comme montré dans ces deux hadiths. Dans la première interruption, elle se finit et elle se conclua par la révélation des versets « Ya ayyuhal muddathir ». Alors que la deuxième interruption se finit et se conclua par la révélation de la sourate Al-Dhuha. Donc ce sont deux événements totalement distincts, totalement différents l'un de l'autre. Voilà ce qui explique certains avis des savants qui disent qu'il y a eu 3 ans entre les deux révélations, ou bien 2 ans. Ce qui paraît le plus vraisemblable, et Allah est le plus savant, est que cette interruption ne durera que quelques jours. Rappelez-vous, nous avions mentionné le fait que le Coran fut révélé pour la première fois la 24e nuit du mois de Ramadan et nous avions rapporté à cet effet un hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié ou rendu bon par Cheikhoun al-Albani stipulant le fait que le Coran fut descendu la 24e nuit du mois de Ramadan. Nous savons aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait de la caverne de l'Hira que pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'il faisait une retraite spirituelle que durant ce mois-là dans l'année, en dehors des autres mois de l'année. Or, dans ce hadith, il est clairement spécifié que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, marchait à l'extérieur, ce qui sous-entend que le mois de Ramadan était déjà fini. Et d'ailleurs, cela est appuyé par la version de l'imam Muslim, sous le numéro 161 ou 257 selon les éditions, où Abu Salama questionna Jabir ibn Abdillah en lui disant « Ayyul Qur'an unzila qablu ?» Quel est le Qur'an qui fut révélé en premier? Il dit « Ya ayyuhal muddathir » C'est-à-dire, Jabir ibn Abdillah répondit c'est « Ya ayyuhal muddathir » « Fakultu au ikra » ou bien « ikra » Puis Jabir lui dit « Uhadithukum bima haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Par ailleurs, je vais vous rapporter ce que m'a rapporté l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. « Jawartu bihira shahran falamma qadaytu jawari nazaltu fastamtantu batna alwadi fastabtantu batna alwadi » فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني دثروني فدثروني فصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ. Donc Jabir ibn Abdillah rapporte ce qui suit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, j'ai passé un mois entier dans la caverne de l'Hira. Lorsque j'ai fini ma retraite, je suis descendu et je me suis dirigé vers le creux de la vallée. Puis on m'a appelé. J'ai regardé devant moi et derrière moi, à ma droite et à ma gauche, et je ne vis personne. Puis on m'appela de nouveau et je ne vis personne. Puis on m'appela de nouveau et je leva ma tête. Je le vis alors assis sur le trône dans le ciel, c'est-à-dire Djibril. Je fus pris d'un tremblement terrible. Je me rendis chez Khadija et j'ai dit « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Ils me couvrèrent d'un vêtement et ils versèrent de l'eau sur moi. Allah révéla « Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi et avertis et célèbre la grandeur de ton Seigneur et tes vêtements purifie-les ». Ce que l'on constate dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, c'est que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai passé un mois entier dans la caverne de l'Hira. C'était le mois de Ramadan. Et lorsque j'ai fini ma retraite, je suis descendu comme pour retourner chez moi. À ce moment-là, le prophète aperçut Jibril couvrant tout le ciel. Yasuddu al-Ufuq, comme c'est rapporté dans un autre hadith. Il couvrait tout l'horizon de par sa grandeur, alayhi salam. Et c'est à ce moment-là que les premiers versets de la sourate 74, Al-Muddathir, furent révélés. Donc tout cela tend à prouver que cette première interruption fut de quelques jours seulement, entre la 24e nuit du mois de Ramadan et le début du mois de Shawwal. Wallahu a'lam. Ce qui est important ici de souligner, au-delà de la durée de cette interruption, c'est quelle est la sagesse derrière cette interruption de la révélation. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a voulu qu'il y ait un laps de temps où la révélation ne descende pas sur le messager d'Allah? Les savants expliquent qu'Allah a voulu pousser le messager à désirer la révélation et la rechercher davantage. Et c'est ce qui se produisit réellement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avide de recevoir une nouvelle fois la révélation, montait sur le sommet des montagnes afin d'y rencontrer Jibril, alayhi salatu wa salam. Il faut savoir que ce message est un dépôt qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, confie aux prophètes et aux messagers. Nul ne peut porter ce message avec ardeur et résolution que s'il a conscience de sa noblesse et de son importance. Quant à celui qui considère cela comme une charge ou qu'il est obligé de porter ce dépôt malgré lui, il ne pourra restituer celui-ci de la meilleure des manières. Voilà pourquoi Allah tabaraka a voulu créer dans le cœur du prophète ce sentiment de toujours en vouloir plus, de toujours en désirer plus, d'être ardent, d'être résolu à vouloir transmettre le message, à vouloir porter ce message. Et c'est de cette façon que le prophète l'a transmis de la meilleure des manières. Faqad adda al-ma'amana wa ballagha ar-risala. Le prophète a respecté le dépôt et a transmis le message. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était constamment dans l'attente d'une nouvelle rencontre avec Jibril alayhi salatu wa sallam. Car Allah a sciemment laissé cet espace de temps sans révélation afin d'amener son messager à cet état de désir d'en apprendre plus et d'en recevoir plus. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a cessé durant toute sa vie de prophète et de messager d'être impatient à l'idée de rencontrer Jibril, alayhi salatu wa sallam, afin de recevoir la révélation du Coran ou autre et de mettre en pratique ce qu'il recevait de la science. Voilà la première sagesse derrière cette interruption. La deuxième sagesse, les savants l'évoquent en disant qu'elle avait pour effet de dissiper la peur qu'éprouva le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la première révélation. Il fallait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam puisse absorber et digérer cette peur. Si la révélation des tout premiers temps était sans interruption, il se peut que cela fût trop dur à supporter pour l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse et dans sa grande douceur, a voulu ménager son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et lui faire prendre conscience de la lourdeur de cette mission de manière graduelle. C'est ainsi que les premiers versets de la sourate Al-Muddathir furent révélés, versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala enjoint son messager à transmettre ce qui va lui être révélé, d'annoncer aux gens qu'il est un messager missionné par Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il vient pour annoncer la bonne annonce pour les gens vertueux et les avertir d'un châtiment terrible pour ceux qui seront réfractaires et opposés à son message. Certains rapportent que pendant cette période d'interruption de la révélation, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, voulait se suicider en se jetant du haut des montagnes. Et là, je vais ouvrir une parenthèse importante, barakallahu fikoum. Les ennemis de l'islam ont toujours essayé de discréditer cette religion, cette grande religion d'Allah, tabarakallah, par tous les moyens. Certains même se sont donné le mal d'apprendre l'islam dans les détails afin de le combattre de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle les orientalistes. Ce sont des gens qui ont appris l'islam, qui ont appris l'arabe, non pas pour en profiter, non pas pour se rapprocher d'Allah, mais pour combattre l'islam. Parmi ce qu'ils disent, il y a le fait qu'ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait se suicider au tout début de la révélation, lorsqu'il montait sur le sommet des montagnes, et à chaque fois Allah tabarak wa ta'ala le rappelait et lui disait: tu es l'envoyé d'Allah, comme pour le conforter et le consolider dans sa mission prophétique. Pourquoi les ennemis de l'islam, les orientalistes ou autres, rapportent ce récit de manière assez virulente? Pour la simple et bonne raison qu'ils cherchent à prouver par cela que Mohammed n'avait pas toute sa tête. Et donc, dans cette période de troubles psychologiques soi-disant, il avait cru recevoir la révélation. C'est comme s'il disait que le prophète Mohammed, durant toute cette période, était dans un état psychologique instable. Donc la révélation qu'il prétend avoir eue aussi fait partie de ses illusions, de ses rêves ou des choses qu'il voyait ici et là, mais qui n'avaient aucune réalité en réalité. Voilà ce qu'ils disent. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait en haut des montagnes et cherchait à se suicider est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Effectivement. D'ailleurs, si vous ouvrez n'importe quel livre de référence en langue française, par exemple, ou en langue arabe, comme par exemple le Nectar Cacheté, vous verrez que Cheikh Saïf Rahman al-Mubarak Fouri, rahimallah tabarak wa ta, rapporte cet événement et rapporte le fait que ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Seulement, la question qui se pose, c'est que si ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari, comment on peut dire que ce hadith est faux et infondé? Il faut que vous compreniez une chose, ce n'est pas tout ce qui se trouve dans le sahih de l'imam al-Bukhari qui doit être pris, accepté, sans aucune condition. L'imam al-Bukhari, lorsqu'il rapporte des hadiths dans son sahih, d'une manière générale, il rapporte la chaîne de transmission ininterrompue jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de cela nous disons que le hadith est sahih. Car les conditions d'authentification et de jugement sur les hommes de la chaîne de transmission d'Imam al-Bukhari sont très. Ce sont des conditions qui sont très dures. L'Imam al-Bukhari était très rigoureux à ne rapporter que ce qui était authentique. Ce qui en fait le livre le plus authentique sur la surface de la terre après le Coran. Mais dans le Sahih de l'Imam al-Bukhari, nous trouvons des fois aussi des hadiths qui n'ont pas de chaîne de transmission, que l'Imam al-Bukhari rapporte sans chaîne de transmission complète ou sans chaîne de transmission totale. Et dans ce cas, il faut faire une étude du hadith, savoir est-ce qu'il est authentique ou non. De même, l'imam al-Bukhari, dans son sahih, rapporte des fois des paroles de compagnons, comme il rapporte aussi des fois des paroles de tabi'in, comme il rapporte des fois des paroles des salaf. Donc, il faut à chaque fois regarder qui a dit telle chose. Est-ce que telle chose a une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à un compagnon ou qui remonte jusqu'au prophète, etc. Dans le cas qui nous intéresse ici, cet événement où il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, montait sur le sommet des montagnes et cherchait à se suicider, n'est pas la parole du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est ni la parole de Aïcha, mais c'est la parole de l'imam Zuhri, un des transmetteurs de la chaîne de transmission, qu'il l'a rapporté comme ça, en disant Fima Balarana, en disant de ce qui nous est parvenu, sans citer qui lui a transmis cela et qui a transmis celui qui lui a transmis cela. Autrement dit, nous avons une parole de l'imam Zuhri qui lui-même dit on nous a rapporté cela sans que cela ne soit appuyé par une chaîne de transmission authentique. Donc cela n'a aucune valeur juridiquement parlant. Et historiquement parlant, cela n'a aucune valeur. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut citer. Et ce n'est pas donc, et faites attention à cela lorsque vous ouvrez des ouvrages sur la sirah du prophète, ce n'est pas parce que vous voyez que le tel hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari que tout ce qu'il y a comme parole dedans est la parole du prophète ou la parole du compagnon. Il se peut qu'il y a ce qu'on appelle al-kalam al-mudraj, c'est-à-dire une parole qui a été insérée à titre de commentaire. Soit d'un tabi'i, soit d'un tabi'i, c'est-à-dire les générations qui ont suivi les compagnons. Comment donc nous pouvons, nous, savoir si dans un hadith telle parole fait partie de la parole du prophète, ou telle parole fait partie de la parole du compagnon qui a rapporté le hadith, ou telle parole fait partie d'un des transmetteurs de la chaîne? Ça, c'est le travail des grands savants du hadith qui ont déjà fait le travail. D'où l'importance de revenir à l'explication des savants. Non, et de ne pas comprendre les hadiths tout seul, sinon on risque de glisser. Cette parole, c'est la parole de l'imam Zuhri qui l'a insérée dans un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qui relate les événements que nous, dont nous parlons actuellement. Aussi, cet événement a été rapporté dans d'autres livres de hadith, toutes avec des chaînes de transmission soit faibles, soit inventées. En conclusion, cette ambiguïté que propagent les ennemis d'Islam, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette période était tellement instable psychologiquement qu'il cherchait à se suicider, n'a aucune valeur et aucun fondement. N'a aucune valeur et aucun fondement. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك